infiltrate the mind, the body. Contract killer pros. Calling walks away as blood flows. Open the wound grows. Melts away the water froze. Puts my back.

bonne taille. Tough, I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long, carry on. Try to have fun in the meantime.

c'est pas pour moi. Swept to the side and stretched in the dark. Yeah.

Parce qu'on rappelle aux gens que Justine est vraiment une scientifique. Là. Oui. Elle dit pas des niaiseries de même le jeudi ben, sans savoir existe, de quoi elle parle. Elle dit des niaiseries entre les choses vraies. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut juste savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. Il faut garder l'écran. Sur cette chasse ça, au trésor. À l'écran, on marque vérité-conséquence. C'est ça. À chaque affaire que tu dis. Sérieux? Oui. OK. Merci, Justine. Ce fut pertinent. À souhait. Très. Justine Pertine, tu sais. Malaise. Alors voilà, on vient de vivre 3 heures de chronique de Justine Pertine. Une demi-heure, c'est intimidant. Mm-hmm. On se trouve calme. Ah ouais. 6 fois ça, ça fait 3 heures. À un moment donné, too much. Ouais, mais là, on a du contenu pour placer dans des conversations vraiment intelligentes durant la journée, maintenant. Ah, t'es du genre à faire ça, t'as inspiré des sujets d'émission et dire aux gens, regarde comment mais je suis bon. Pas m'inspirer. Aller chercher de la connaissance. Ah voilà, oh. S'instruire. Et voilà, on s'était instruit ce matin. On a rendu hommage à Justine Renaud avec 3 heures de sa chronique Justine Pertine. On la retrouve aux 2 semaines, ici même à Assemblage Requis. Sinon, ben, on se retrouve, nous, Tania et moi, à Assemblage Requis de 6h30 à 9h30, du lundi au jeudi. Merci Tania. Merci Mathieu. On se quitte sur la chanson thème de Justine Renaud. Voici la pièce Cyborg de M83. Bonne journée. Bonne journée.